Nouvelle qui est survenue hier sur le coup de 18h30, Bob Desjardins quitte son poste de commissaire de la Ligue du Lac aux Fleuves, de la Ligue senior. Et c'est une nouvelle d'autant plus surprenante parce que c'est son bébé. Question de savoir un peu qu'est-ce qui l'a motivé, on le sait un petit peu, mais on lui parle. Salut Bob! Salut Danny! Bob, d'abord, dans le communiqué, on dit que tu veux te consacrer au MJR Express de Jonquière à temps plein. Mais est-ce que tu devais le savoir en début d'année? Surprenant ça? Ben, c'est pas surprenant, sauf que moi, le but de faire la Ligue, là, comme depuis le mois de mai, là, que je travaillais très fort là, pour ramener du hockey senior régional en région au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme je te disais tantôt, j'ai travaillé tellement fort et tout ça, puis j'en ai même hypothéqué un petit peu mon été, là, mais regarde, écoute, là, le but premier de la Ligue, c'était de faire du hockey senior. Moi, j'ai réussi à faire ça. Je pense que la Ligue est en bonne main, est bien partie, puis ça va super bien. Moi, c'était pas vraiment de la gérer, la Ligue, c'était de la partir. Okay. J'ai tombé commissaire un petit peu par défaut parce qu'il n'y avait pas personne. Mais moi, étant propriétaire de l'équipe de Jonquière, qui est commanditée présentement par le MJR Express, c'est sûr que le monde trouvait ça un petit peu bizarre que tu sois président, commissaire de la Ligue. Puis propriétaire d'une équipe. Mais ce que le monde semble pas comprendre, c'est que si je serais pas propriétaire du MJR Express, probablement qu'il n'y aurait pas d'équipe à Jonquière. Et si je serais pas le président ou commissaire de la Ligue de Seigneur du Lac-aux-Fleuves, ben, il n'y en aurait pas de Ligue. Alors, c'est moi qui était là pour partir cette Ligue-là. C'était pas Pierre-Jean-Jacques, c'était Bob Desjardins. Puis là, tout d'un coup, après peut-être un mois d'activité, mais les gens, il y a certains gens qui semblaient pas comprendre mon implication au niveau de la Ligue pour au niveau de mon équipe. Ben, tu sais, j'avais les deux chapeaux à chevaucher en début de saison, puis ça semblait déranger peut-être une couple de partisans ou une couple de joueurs. Alors, regarde, tant qu'à me faire regarder avec des gros yeux puis de dire telle chose ou telle chose, ben, j'ai autant mieux de me retirer, puis que de toute façon, le rôle de commissaire, c'était pas vraiment un rôle qui était très important au niveau de la Ligue. Tant que c'est des codes de suspension, mais c'est des codes automatiques. Ouais. La Ligue était gérée par les gouverneurs des quatre équipes. Alors, le monde semblait pas comprendre ça, mais moi, au lieu de me faire garder avec des gros yeux et de dire que j'étais en conflit d'intérêts, mais je trouvais ça ridicule, alors j'ai décidé de passer un autre appel et de laisser ça au gouverneur, dont je suis un gouverneur de mon équipe. Alors, ça change pas grand-chose dans l'implication de la Ligue. Ça reste quand même encore mon bébé. Ouais. Ça reste encore ma Ligue. Ben, écoute, on va gérer ça d'une autre façon. Puis comme ça, mais le monde pensera pas qu'il y a des conflits d'intérêts en étant gouverneur, en étant commissaire ou président de la Ligue. Okay. Je ne suis plus. Fait que c'est mais je vais prendre l'exemple de Richard Martel. Cet été, quelqu'un qui était courtisé pour être commissaire, il dit j'aime ça diriger, j'aime ça être entraîneur, mais s'il n'y a pas de ligue, je pourrais plus être entraîneur. Je sais pas si tu comprends ce qu'elle veut dire. Bob Desjardins, c'est sûr que c'est nouveau, c'est une ligue qui commence, c'est la première année. À quelque part, t'aurais pas été mieux de rester comme commissaire à tout le moins stabiliser les. Non, parce que c'est pas ça que je veux faire, Danny. Okay. Tantôt, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Moi, je voulais ramener du hockey. Ouais. On en a ramené. Il y a quatre bonnes équipes dans la Ligue, quatre bonnes équipes en santé. Et là, que je reste commissaire puis que je regarde la parade passer, il va en avoir une Ligue. Que je sois là, que je sois pas là, il va en avoir une Ligue. Les quatre équipes sont en santé, ça va bien. Puis si on parle d'expansion au cours des prochaines années, mais c'est le bureau des gouverneurs, de toute façon, qui va décider qui qu'on veut accepter dans la Ligue et qui qu'on veut pas. Okay. Alors, est partie la Ligue, que moi, je reste commissaire ou président, puis je fais ça bénévole, puis que mon bébé, à moi, oui, c'est la Ligue, mais je suis propriétaire d'une équipe aussi à Jonquière. Alors, j'ai mon équipe à m'occuper, pas mal plus que je peux m'occuper de la Ligue présentement que j'ai rien à faire. Okay. Alors, je vais m'occuper de mon équipe, puis je vais essayer que tout va bien là, de ce côté-là, puis que la Ligue là est partie. Là. On respecte l'horaire. On respecte les règlements, puis après ça, mais c'est comme du flow, là, ça roule tout seul, puis il faut continuer à essayer de travailler pour que notre ligue va bien. Là, c'est Mathieu Caron qui est commissaire, que j'ai pu comprendre, qui est commissaire par intérim, c'est ça? Pour... C'est pas commissaire, il n'y en a plus de commissaire. OK, OK. Puis, Mathieu est vice-président aux opérations hockey, avec qui s'occupe des arbitres. Mathieu fait un excellent travail. Ils vont continuer à le faire. Puis les décisions, on va les prendre entre les quatre équipes au niveau des bureaux de gouverneur, comme je disais tantôt. Si un vote 2-2, mettons qu'il y aurait un vote 2-2. Vas-y, Danny, vas-y. Mettons qu'il y aurait un vote 2-2, il arrive quoi dans ce temps-là? C'est un gars comme Mathieu qui pourrait trancher, c'est quoi? Ben, probablement. On n'a pas décidé encore. Là. C'est tout frais. Là. On n'a pas eu encore de bureau des gouverneurs. Ça va sûrement se faire au cours des prochains jours. Alors ça, je vais peut-être plus en moyen de te dire ça un petit peu plus tard, mais là, pour l'instant, là, c'est arrivé hier. Alors, je peux pas te dire qu'est-ce qui va se passer, s'il y a des votes ou peu importe. Alors, on va décider ça, qu'est-ce qui va se passer au prochain bureau des gouverneurs. Ça fait si longtemps que tu pensais à ça? Abandonner ton poste de commissaire? Moi, le but premier, c'était de faire la Ligue. Je voulais pas la gérer. C'était quelque chose que peut-être que j'aurais fait un petit peu plus tard, mais là, j'ai fait peut-être un peu plus tôt que prévu dans ma prise de décision. On est à la recherche, mais on va pas commencer à courir après des candidats. On veut choisir quelque chose de quelqu'un de bon pour qui va cadrer dans notre philosophie de Ligue. Alors on va comme je te dis, c'est peut-être la décision est venue un petit peu plus tôt de mon côté, mais ça change rien là. Que je veux bâtir et que j'aime d'une certaine façon. Est-ce que c'est un vendeur que tu voudrais? Parce que c'est un peu ça qui... Vendeur. C'est un vendeur de ligue. Tu sais, qui... Pas besoin d'un gros vendeur, là, du hockey, la ligue, le monde qui veut se greffer à la ligue. Si on parle des villes avoisinantes au Saint-Jean, si on parle d'Alma, ou Chicoutimi, ou l'Abbé, peu importe. Mais s'ils voient que la ligue va bien, c'est ça notre meilleur vendeur. OK, oui, mais ce que je veux dire, c'est... On va commencer à faire un vendeur. Il n'y a pas de salaire qui est donné. Là. Il n'y a pas de salaire de 50 000 qui est donné. Non, mais je veux dire... C'est commissaire ou peu importe. Alors, il n'y a pas personne qui va vouloir se taper la job de vendeur, comme tu dis, mais c'est notre ligue qui va être le vendeur. Ce ne sera pas un bonhomme ou un être humain. C'est la ligue en général. Que si notre ligue va bien, puis il y a des bonnes foules, puis le monde voit que c'est plaisant, ben, c'est un petit peu ça, le fait de faire du hockey senior régional, puis c'est la Ligue qui va véhiculer le bon fonctionnement de notre Ligue. Tu as parlé d'expansion depuis, c'est sûr que là, tu es rendu gouverneur, mais tu es sûrement au courant pareil. Est-ce qu'il y a des équipes depuis le début de la saison qui t'ont... Oui, il y a des villes qui m'ont contacté là, pour savoir l'intérêt pour l'année prochaine. Alors, je n'aimerais pas de nom ou de ville en particulier, mais il y avait déjà des pourparlers qui ont commencé à être faits, puis il y en a qui sont renseignés. C'était renseigné pour savoir comment ça fonctionnait au niveau des concessions de notre ligue. OK. Idéalement, ça serait monté à quoi? 8? Bon, non, on ne viendra pas. Non, on 6? On ne pas à 8. Là. Ça donne quoi d'en avoir 8 si ça n'est pas enfanté? Okay. On a 4, ça va bien. Si c'est 5 l'année prochaine, si c'est 6, okay, on verra que le futur. Il ne faut pas voir tout le temps trop gros. Non. Il faut voir plus à essayer de que nos équipes là, soient en santé avant de penser à l'expansion. Ouais. OK. Les foules vont bien, hein? Je regardais à Forestville, 835 spectateurs, c'est bon, très bon. Ouais, ben regarde, écoute, les deux derniers games qu'on a joués sur la route, nous autres, il y avait 700 personnes à Charlevoix, il y avait 835. Je pense pas qu'il y a personne qui est sorti de l'aréna et qui était pas, c'était pas un bon match de hockey senior. Alors, c'est bon signe que l'équipe de Jonquière attire des foules, c'est bon pour les propriétaires. Mm. Alors, regarde, écoute, on va continuer à essayer que les foules soient là, puis que tout le monde soit content d'être dans l'aréna, puis content d'être capable pour dire qu'il y a eu une bonne game de hockey pour le prix de seulement 8 $. OK. Ben Bob Desjardins, gros merci, félicitations, puis on va se reparler sûrement dans le cadre de la chronique du MGR quand Gino sera pas là. Merci, Danny. Voilà, Bob Desjardins, le gouverneur de MGR Express de Jonquière.